Nous allons décompter ensemble. On va aller de 5 à 0. Ça vous va? Et à 0, on va se lever pour acclamer bien fort pour le roi des rois qui va faire entrer son serviteur. Amen. On décompte ensemble. 5. 3. 0. Du pourquoi? Du ciel. Acclamez le roi du ciel.